franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, la séparation des Beatles. Un jour du mois d'avril 1970, Paul McCartney, devenu compositeur en chef du groupe, annonce la nouvelle qui fait l'effet d'une douche froide, très froide, car le groupe n'avait que 8 ans d'âge. Rendez-vous compte, en 8 ans seulement, les Beatles ont écrit la page la plus somptueuse de l'histoire de la musique populaire. Alors imaginez la frustration de les voir partir si vite. Mais ce qu'on ne savait pas, ou qu'on ne voulait pas savoir, c'est que depuis 4 ans, le groupe ne fonctionnait plus tout à fait comme un groupe. La vie et l'œuvre des Beatles étaient devenues l'association de 3 surdoués et d'un batteur, mais ils ne fusionnaient plus. C'est pourtant, savoureux paradoxe, pendant cette période que le groupe a donné le meilleur de lui-même. C'est entre 1966 et 1970 qu'il s'est hissé au sommet de la création musicale et qu'il a montré la voie à tous les autres. Magnifiques défricheurs, les Beatles ont inventé ou magnifié le métissage de la musique occidentale, la pop, avec les instruments à cordes de la musique classique et avec les sonorités orientales. C'est pendant cette période également qu'ils ont trituré les sons, passé des bandes à l'envers et composé des chansons aux mélodies ahurissantes de qualité. C'est l'histoire de cet arrêt brutal que nous allons vous raconter aujourd'hui. Brutal pour le public, mais fruit d'un processus qui, vu avec le recul, répond à une certaine logique. Car tout cela est du ressort de ces contes de fées qui sont comme des songes. Ils passent rapidement, mais laissent une trace éternelle. En seconde partie d'émission, nous reviendrons sur cet événement avec Paul Dunoyer, journaliste et critique rock anglais, fondateur et rédacteur en chef de la revue Mojo. Il vient de publier le livre intitulé « Paul McCartney, des mots qui vont très bien ensemble » aux éditions Baker Street. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonob, avec l'appui des documentalistes de Radio France, attaché de production Valérie Bourg, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, traduction Aurélien Labruyère, réalisation Fabrice L'Aigle, à la technique aujourd'hui Éric Morin. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. By their country, decorated by their queen, and loved here in America, here are the Beatles! Bush Stadium, Saint-Louis, Missouri, 21 août 1966, les Beatles sont sur scène dans le cadre de leur 3e tournée américaine. L'atmosphère est moite, étouffante, il pleut des cordes. Le show commence à 20h30 sous le déluge. Les 23 000 spectateurs sont trempés jusqu'aux os. Les musiciens, eux, ne sont protégés que par des bouts de tôle ondulés suspendus au-dessus de la scène. Évidemment, l'eau s'infiltre, qu'elle tombe sur les câbles et tout le monde crame. C'est un miracle si un tel drame n'est pas survenu. Atmosphère sordide finalement et dangereuse, et pourtant rien que de très habituel. Il y a des lustres que les concerts des Beatles se tournent à la farce. Les filles, envoûtées, extatiques, s'accrochent au grillage. Dans ce regrettable barnum, les fans hurlent et couvrent la musique ainsi que les voix des Beatles, qui ne s'entendent ni jouer ni chanter. Ringo Starr, dont la vocation est de donner le tempo, doit lire sur les lèvres du chanteur pour donner la mesure. Le monde à l'envers. Les choses deviennent même carrément malsaines. Au cours de cette tournée américaine qui se déroule du 12 au 29 août 1966, des spectateurs conduisent des aveugles, des paralytiques et des enfants estropiés jusque dans la loge des Beatles. Et il n'est pas rare que des mères demandent aux 4 membres du groupe d'embrasser leur progéniture handicapée pour qu'elle recouvre la vue ou la mobilité. Lève-toi et marche. C'en est trop. La fatigue de courir le monde, d'être parqué dans des hôtels comme des singes en cage, de marcher sur l'eau et de produire indéfiniment le même spectacle fait le reste. On devenait mauvais, disent les Beatles. Même Paul McCartney le reconnaît, lui, le staccanoviste, le bourreau de travail, lui qui voulait continuer les concerts alors que les 3 autres avaient décidé dès le début de cette tournée d'arrêter la plaisanterie, lui finit par céder. D'autant qu'en cette année 66, après la déclaration de John Lennon, selon lequel les Beatles sont plus célèbres que le Christ, le concert du 13 août à Memphis s'était déjà déroulé sous haute tension. Dirigé par la main du Ku Klux Klan, les spectateurs avaient projeté des ordures sur la scène. L'un d'eux avait lancé un pétard. On s'est tous regardés, raconte John, parce que chacun d'entre nous a cru que quelqu'un s'était fait tirer dessus. Une ambiance épouvantable. Et au bout du compte, les Beatles sont excommuniés, la marque des grands. Le lendemain, il faut repartir pour un nouveau concert, pour l'un de ces shows d'une demi-heure, devenus des rites tribaux qui n'ont plus rien à voir avec la musique. Le concert du 29 août au Candlesticks Park de San Francisco sera le dernier. Ce soir-là, les spectateurs ne savent pas qu'ils assistent à un événement historique. Depuis, ils peuvent dire « j'y étais ». 33 minutes de spectacle, le minimum syndical offert aux spectateurs qui s'en contentent, comme dans un rêve, un flash songe d'une nuit d'été. Dans le vol retour vers Los Angeles, George Harrison prononce ces mots définitifs. « Voilà les mecs, désormais je peux arrêter de faire croire que je suis un Beatles. » La messe est dite, mais elle laissera des traces. There was a ship going to discover the new world, you know. Il y avait un bateau qui s'en allait à la découverte du monde. Il y avait les Rolling Stones et tout ça sur le bateau. Et nous, nous étions tout en haut. Nous étions les capitaines. Et c'est nous qui avons crié. Voilà la Terre. Nous étions une part de ça, parce que nous étions les capitaines. Je ne peux pas dire ce que nous avons fait ou ce que nous n'avons pas fait. Ça dépend de l'impression de chacun. Donc nous étions sur ce bateau dans les années 60. Notre génération et nous avons réussi à l'emmener quelque part. Le 9 novembre 1966, la nouvelle tombe. C'est officiel, les Beatles arrêtent définitivement les tournées. Pour les fans et les observateurs, cette annonce est un choc. Serait-ce le premier signe de la fin ? Ils sont nombreux à prophétiser, annoncer, propager la rumeur de leur séparation. En réalité, John, Paul, George et Ringo sont pour la première fois depuis 5 ans, sans aucune obligation, libres comme l'air. 4 mois de repos. Eux qui vivent ensemble sans interruption depuis bientôt 5 ans. D'un jour à l'autre, ils peuvent profiter de leur vie individuellement. Débute alors une nouvelle ère où les 4 garçons dans le vent deviennent 4 adultes face à leur destin. George s'envole pour l'Inde, Paul se plonge dans l'avant-garde londonienne, Ringo s'ennuie et John déprime. Il sombre dans la drogue et perd sa créativité. Pour s'occuper, il part en Espagne tourner un film anti-militariste, How I Won the War, se coupe les cheveux et arbore ses fameuses lunettes rondes qu'il ne quittera plus. Sans se passer le mot pendant cette pause, les 4 mousquetaires de la pop changent de look et surtout affirment leur personnalité. Ringo, John, Paul, George. Ringo, John, Paul, George. All together now. Ringo, John, Paul, George. Comme convenu, en février 67, les Beatles se retrouvent au studio DMI à Abbey Road pour préparer leur nouvel album. C'est à ce moment précis que débute la nouvelle ère des Beatles, celle des albums studio, des expérimentations musicales, des arrangements fous. Mais d'emblée, dans cette nouvelle ambiance, les 4 musiciens et leur entourage s'en rendent compte. Quelque chose a changé. Dès les premières sessions, le leadership du groupe se déplace de Lennon vers McCartney. Le second s'épanouit en studio où il peut pleinement exprimer ses talents de compositeur et le rapport de force s'inverse entre les deux patrons du groupe. Malgré tout, les 4 membres travaillent à l'unisson et continuent de faire des merveilles. Le 1er juin 1967, après plusieurs mois d'enregistrement, les Anglais découvrent dans les bacs une pochette au style psychédélique Sgt. Pepper. C'est le nouvel album des Beatles et la réception est unanime. Ce disque est tout simplement une révolution musicale et la traduction parfaite de la génération LSD. Il y aura alors dans l'histoire de la pop un avant et un après Sgt. Pepper's, considération toujours valide aujourd'hui. Après plusieurs mois de silence et de travail, les 4 musiciens ont réussi leur coup et bien au-delà. Certains journalistes comparent Lennon et McCartney à Mozart et Beethoven. Et c'est évidemment à eux que la BBC commande une chanson pour le 25 juin 1967, date de la première émission diffusée en Mondiovision et en direct dans 26 pays. Aussitôt dit, aussitôt fait, John Lennon se charge de l'écriture. et devant 400 millions de téléspectateurs, parés de leur costume hippie, ils commencent par quelques notes de la Marseillaise. Le fameux Summer of Love de 1967 peut démarrer, il a trouvé son hymne, sa bande-son et ses héros. Au cours de cet été-là, les Beatles poursuivent leurs expériences initiatiques. Impulsés par George Harrison, ils s'intéressent de plus en plus à la méditation et aux cultures orientales. Ils partent en août à Bangor, au Pays de Galles, rejoindre un séminaire du Maharishi Mahesh Yogi, le fondateur de la méditation transcendantale. Mais pour les Beatles, l'été de l'amour se termine le 25 août 1967. Ce jour-là, ils apprennent une nouvelle qui bouleverse à jamais leur vie. Ce visage que vous ne connaissez sans doute pas est celui de Brian Epstein. Brian Epstein, c'est, ou plutôt c'était, l'un des génies du music hall britannique. Pour tout dire, c'est lui qui lança les Beatles. Or, Brian Epstein devait être retrouvé mort dans son lit hier après-midi. On sait que, comme ses amis les Beatles, Epstein se droguait et la police a immédiatement ouvert une enquête. Or, pendant qu'on découvrait le corps d'Epstein, les Beatles, qui décidément paraissent friands d'expériences nouvelles, participaient à une séance de 5 jours de méditation transcendantale sous la férule d'un mystique indien. Dès l'annonce de la nouvelle, les Beatles devaient quand même interrompre leur méditation pour regagner Londres immédiatement. Ce 25 août 1967, c'est l'ombre, le grand frère, l'ange gardien des Beatles qui s'en va. Depuis le début de leur carrière, Brian Epstein s'occupait de tout. Jusqu'à ce jour, les 4 musiciens vivaient dans l'insouciance protectrice de cet homme. Ils doivent maintenant se plonger dans les méandres de leur immense empire financier. Il y a 10 ans, ils gagnaient quelques billets chiffonnés, des bières gratuites après leurs concerts. Aujourd'hui, ils sont cotés en bourse. Ils ont déjà vendu plusieurs millions de disques. Et Sgt. Pepper's, leur dernier album, a battu tous les records. La mort de Brian Epstein est la première brèche du délitement des Beatles. Vont-ils réussir sans lui ? Dans un premier temps, ils choisissent de prendre les choses en main. Que faire de tout cet argent ? Déjà, éviter au maximum qu'ils soient imposés par l'État britannique et, pourquoi pas, dans le même temps, changer le monde. C'est ainsi que le projet Apple Corps se met en place. Le nom et le logo s'inspirent du célèbre tableau de René Magritte qu'a acquis Paul McCartney quelques mois auparavant. La société initiale, Beatles Ltd, est dissoute et remplacée par un conglomérat d'entreprises culturelles et technologiques entièrement financées par l'argent du groupe. À la tête de chacune de ces sociétés, ils placent des amis à eux. Oh, peu importe leurs compétences. L'idée est simple, favoriser l'émergence des talents et, via la culture, briser le capitalisme et imposer une forme de communisme à l'occidental, pour reprendre les mots de Lennon. Rien que ça. John organise une conférence de presse à New York. Il explique les ambitions d'Apple. C'est une entreprise de disques, de films et d'électronique. On veut créer un système qui permette à un type qui veut faire un film ou autre chose de ne pas avoir à se mettre à genoux dans un bureau. Sans doute le vôtre. La phrase fera date. Le lancement en grande pompe d'Apple Corps est aussi une manière de rebondir. Parce que quelques semaines auparavant, les Beatles ont vécu un premier échec. Leur film Magical Mystery Tour, diffusé en Noël 1967 sur la BBC, reçoit un accueil plus que mitigé. Aujourd'hui pourtant, on en mesure le charme, tant il incarne cette époque où la contre-culture, la déconstruction des repères habituels, tenait lieu de must dans la démarche artistique. Pour se remobiliser, les Beatles se décident de partir tous les quatre avec leur compagne en Inde pour retrouver le Maharishi Mahesh Yogi et poursuivre leur apprentissage de la méditation transcendantale. À ceci près, copier l'Himalaya, les personnalités artistiques des 4 membres du groupe, si différentes, finalement s'expriment au grand jour. Paul McCartney et Ringo Starr craquent rapidement et retournent à Londres, alors que John Lennon et George Harrison profitent pleinement de l'expérience. Face aux dissensions, les Beatles le savent. Ils ont les studios d'EMI pour se retrouver là, dans la chaleur et l'ambiance de la production. Ils jouent, ils cherchent, ils inventent. Mais en mai 68, le premier jour de l'enregistrement du nouvel album, John Lennon n'arrive pas seul. Il est accompagné d'une jeune femme aux cheveux noirs et l'air mystérieux, Yoko Ono, qu'il a rencontrée quelques mois auparavant. Lennon le sait, il vient de briser la sacro-sainte règle des Beatles. Le studio, la musique, le travail, c'est eux quatre et personne d'autre. Pourtant, Yoko sera de toutes les sessions. Elle et John ne forment plus qu'une seule et même personne, à tel point que sur l'album en préparation, Yoko Ono impose, par l'intermédiaire de John Lennon, la bizarrerie undergroundo conceptuelle et compagnie, intitulée Revolution 9, tout simplement inécoutable. C'est une brèche sérieuse dans la collaboration musicale Lennon-McCartney. Dans leur sanctuaire, les Beatles seront désormais 4 plus 1. Au cours d'une interview, John Lennon revient sur ces temps difficiles. It takes a lot to live with 4 people. Over and over for years and years, which is what we did. C'est pas facile de vivre à quatre pendant des années comme on l'a fait. On s'est traité de tous les noms. On a pu en venir aux mains. On connaissait tout ça par cœur. We knew where we're at. We still do. We'd been through the mill together. On savait où on en était. On le sait encore. On a traversé ensemble toutes sortes d'épreuves pendant plus de 10 ans. Et on s'en est sorti ensemble bien des fois, tu sais. La création de ce nouvel album est un calvaire. Petit à petit, le groupe se délite. Ringo est le premier à craquer. Après plusieurs semaines de tensions liées à la présence de Yoko Ono, mais aussi aux relations exécrables entre les quatre, il lâche ses baguettes et annonce qu'il quitte le groupe. C'est la première fois que l'un des Beatles se sépare des trois autres. De plus, c'est Ringo le plus accommodant des quatre. Ça en dit long sur l'ambiance qui règne à Abbey Road. Alors, tant bien que mal, la production se poursuit par à-coup, après de nombreuses interruptions, mais toujours, et de plus en plus même, dans une qualité qui nous émerveille aujourd'hui encore. Ringo finit par revenir sur sa décision, il revient tout court, il retrouve ses baguettes ornées de fleurs. Le 22 novembre 1968, l'album The Beatles, plus communément appelé l'album blanc pour sa pochette immaculée, sort en Angleterre. Le succès est immense pour cet objet hybride aux mille recoins, où les quatre posent chacun leur univers, comme une pierre à l'édifice. Encore une fois, la musique et le talent ont sauvé les Beatles. Mais jusqu'à quand ? Rocky Raccoon. Rocky Raccoon, he was a fool unto himself, and he would not swallow his foolish pride. Mind you, coming from a little town in Minnesota, it was not the kind of thing that a young guy did when a fellow went and stole his chick away from him. Now Rocky Raccoon checked into his room, only to find Gideon's Bible. Rocky had come equipped with a gun to shoot off the legs of his rival. His rival, it seems, had broken his dreams by stealing the girl of his fancy. Her name was McGill, and she called herself Lil, but everyone knew her as Nancy. Now she and her man, who called himself Dan, were in the next room at the hoedown. And Rocky burst in, and grinning a grin, said, "Danny boy, this is a showdown." But Daniel was hot, he drew first and shot, and Rocky collapsed in the corner. Na da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da sminking of gin, sminking, proceeded to lie on the table. is really sminking God Jim, and it did him in the end. Poor Doc. Janvier 1969, Londres, studio de Twickenham. C'est dans cet immense hangar, sans charme et sans âme, que les Beatles se retrouvent en ce début d'année. Pour relancer la machine, Paul est arrivé avec une nouvelle idée. Filmer en continu la préparation d'un disque, saisir le processus créatif du groupe pour en faire un long métrage, ainsi qu'un nouvel album. Mais il s'en rend vite compte, il est le seul motivé dans cette aventure, une fois de plus. John Lennon lui affirme sa personnalité, ses choix et ses envies. Il devient un membre en dehors des Beatles. Il vit avec Yoko une relation fusionnelle et passionnelle. Ensemble, ils développent de nombreux projets parallèles, à coups de scandale et de happening, jusqu'au ridicule parfois, et avec un sens de la com qui n'a rien à envier aux pratiques d'aujourd'hui. Lennon répond à la Beatlemania par la mise en scène de sa vie et de sa love story. On pense à la pochette de l'album expérimental du couple Two Virgins, sur laquelle elle et lui posent entièrement nus. Ils se lancent à corps perdu et exhibés dans la défense de la paix à travers le monde à coups de bed-in où ils invitent des journalistes à les interviewer en pyjama dans leur lit ou bien lors de conférences de presse qu'ils donnent enfouies sous un sac. Les autres membres ont un peu de mal à suivre les nouvelles fantaisies de leur associé, d'autant qu'ils plongent aussi dans l'héroïne. De son côté, George Harrison, le plus jeune des quatre, longtemps laissé dans l'ombre par Paul et John, veut se lancer en solo et montrer ce qu'il sait faire. D'ailleurs, très vite, dans le hall de Twickenham, la tension monte entre lui et Paul, comme le montre cet extrait saisissant du film Let It Be, produit par Apple Corps. Mais c'est compliqué. C'est pas compliqué. Je ne joue que les accords si tu veux. J'essaie de t'aider, tu sais. Mais j'ai toujours l'impression de te contrarier. Ok, attends. C'est pas ce que je veux dire. Tu fais ça comme si je voulais le dire. Et ce qu'on a dit l'autre jour, tu sais, j'essaie pas de te coincer. J'essaie simplement de dire... Regardez les gars, le groupe... Et si l'on essayait comme ça? C'est marrant que ça vienne seulement maintenant. C'est comme la guitare sur Ed Jude. Il la faut tout le long. Ça m'est égal. Je jouerai ce que tu veux que je joue. Je jouerai pas du tout si tu veux pas que je joue. Je ferai tout ce qui pourra te faire plaisir. George claque la porte à son tour, les fêlures entre les quatre hommes deviennent cassures. Du côté des affaires, les choses se compliquent aussi. Les comptables d'Apple Corps tirent la sonnette d'alarme. La société perd de l'argent, beaucoup d'argent, et la situation devient sérieuse. Il faut absolument trouver un capitaine pour ce navire à la dérive. L'utopie libertaire et créatrice des quatre garçons se fracasse sur la réalité économique toujours briseuse de rêves. Face à cette situation, les Beatles se décident enfin à remplacer Brian Epstein, leur manager historique décédé il y a plus d'un an. Le choix du successeur provoque une rupture sans précédent au sein du groupe. John Lennon veut confier les commandes à Alan Klein. Cet homme d'affaires américain a une carrière impressionnante dans l'industrie du divertissement. Sa spécialité, renégocier les contrats des artistes à leur avantage. Il est d'ailleurs connu pour avoir fait des miracles comme manager des Rolling Stones, l'autre grand groupe du moment, ami intime des Beatles, soit dit au passage. Et puis Alan Klein dénote dans le milieu, très costume-cravate, des financiers. Outrancier, malfagoté, réputation sulfureuse, Alan Klein plaît bien à John, qui convainc Ringo et George de le suivre dans le choix de cet homme providentiel. Mais Paul, lui, n'est pas de cet avis. Il ne lui fait pas confiance, il a eu vent de certaines de ses magouilles et il veut privilégier le cabinet Eastman & Eastman du père de sa nouvelle femme, Linda. Pour les trois autres, cette solution est inenvisageable. Elle favoriserait trop McCartney. Bloqués, les Beatles font encore une entorse à l'une de leurs règles d'or. Avant, pour chaque décision, ils votaient à l'unanimité. Chaque voix contre, même une seule, faisait office de veto. Pour le choix du nouveau manager, John George Ringo impose Klein à la majorité. Le 2 février 1969, l'Américain prend donc en charge les affaires financières du groupe. Paul, lui, est mis sur la touche. Pour faire face à ces dissensions, les Beatles continuent de faire ce qu'ils savent faire de mieux, la musique. George finit par rejoindre les trois autres pour continuer l'enregistrement du projet Get Back. D'un commun accord, ils décident de changer de studio, de quitter Twickenham et de se réfugier au sous-sol des bureaux d'Apple Corps. Mais les tensions sont toujours fortes. Alors, comme d'habitude, pour panser leur plaie, les Beatles trouvent une idée. Pourquoi ne pas finir le film par un concert sur le toit des bureaux d'Apple ? Le 30 janvier 1969, un riff endiablé surgit dans le ciel londonien. Interloqués, les patients s'arrêtent. Des embouteillages monstres bloquent les rues alentour. On voit surgir des têtes aux fenêtres voisines. Plusieurs dizaines de Londoniens montent sur les toits du quartier. 3 ans après leur dernier concert, les Beatles, jugés à plusieurs dizaines de mètres de hauteur, offrent un live surprise. Et puis ce refrain, Get Back, il serait donc de retour. Il faudra l'intervention de la police pour mettre fin à ce qui restera en réalité le dernier show des Beatles. Sur cette lancée, ils retournent en studio à Abbey Road, cette fois leur sanctuaire, et se plongent dans la production d'un nouvel album. Et de nouveau la magie opère. Là, au cœur des turbulences financières, des égos encombrants, des femmes haïes et des envies d'ailleurs de chacun, les Beatles placent leur dernière force dans la bataille. À l'extérieur, la rumeur de la séparation, elle, ne s'éteint pas. De passage à Paris, George Harrison est interrogé sur le sujet. George Harrison, on a beaucoup entendu parler de vos compères, on parle beaucoup d'eux, et de vous on parle très très peu. Because I'm quiet. Est-ce que vous serez à Toronto avec John? No, I don't even think John will be there. Vous pensez même que John ne sera pas là-bas? C'est une fausse nouvelle. Not really, because he was going to go there to do a peace festival, but too many people became involved who were trying to just make money. George Harrison, est-ce que les Beatles se séparent? No. Come together. Come Together. Eh oui, c'est ainsi que s'ouvre le dernier album des Beatles, intitulé Abbey Road, en hommage au studio du même nom avec sa célèbre pochette, le fameux passage pour piétons truffé de messages subliminaux. À propos, regardez en arrière-plan le numéro minéralogique de la voiture, en bas, à gauche. If 28. S'il était en vie, if he was alive, Paul aurait 28 ans. IF 28. C'est la réponse à une rumeur selon laquelle il serait mort depuis 3 ans, remplacé par un sosie. Abbey Road, c'est ici que tout a commencé, c'est ici que tout s'achève. Dans un nouveau feu d'artifice musical pour un album à l'unité, à la cohérence et à la qualité exceptionnelle. Tous leurs collaborateurs se posent la question, mais enfin, comment font-ils pour réussir un tel chef-d'œuvre alors que des dissensions gangrènent le groupe ? Oh, la réponse est simple. Ils ont un talent hors norme, mais vous l'aviez compris, je pense. À l'issue de l'enregistrement d'Abbey Road, le 20 septembre 1969, John Lennon appelle Paul McCartney. Paul, c'est fini, je quitte le groupe. Ok. Les deux hommes conviennent de ne pas révéler publiquement la séparation. Ils doivent d'abord régler leurs affaires en interne. Parce que, en coulisses, la situation atteint le point de non-retour. Se mêlent aux rancœurs personnelles, les négociations financières et légales. McCartney ne veut pas céder face au choix d'Alan Klein et décide d'être représenté par la famille Eastman. Statu quo ingérable. Le problème s'aggrave à mesure que les quatre Beatles se lancent chacun dans des projets personnels. Ringo Starr travaille sur un album solo, John Lennon remonte sur scène pour la première fois avec un nouveau groupe et Paul McCartney prépare dans le plus grand secret son propre disque intitulé McCartney. Tout un symbole. Paul est persuadé de pouvoir sortir son album en avril 70. Oui, sauf qu'une semaine après est programmée la publication du disque Get Back des Beatles. Tiré des sessions d'enregistrement filmées, rebaptisé Let It Be comme le film. Un album sur lequel Paul n'a pas été consulté pour le final cut et qu'il trouve médiocre. McCartney se retrouve donc en concurrence directe avec les Beatles, surréalistes, ubuesques. Le 9 avril 1970, il annonce, au cours d'une interview pour un magazine, la séparation définitive des Beatles. John Lennon est vert de rage, lui qui s'est toujours autoproclamé leader des Beatles, Paul l'a pris de vitesse. Le lendemain, l'information est reprise par les journaux du monde entier. Puis une chose extrêmement importante, capitale, fondamentale, jusqu'à présent leur chanson avait été un cœur parfait, désormais c'est fini, ça ne sera plus que quatre mélodies discordantes, les Beatles se séparent, c'est officiel. En tout cas, si le groupe subsiste, il n'y aura plus que trois membres. Pour incompatibilité d'humeur avec John Lennon, l'intellectuel de la bande, Paul McCartney, divorce et reprend sa liberté. Il l'a annoncé aujourd'hui en donnant les causes de son différend. Comme vous l'imaginez, ces causes sont personnelles, musicales et commerciales. Fini donc la belle époque des caves enfumées de Liverpool des années 56. Paul McCartney a fait aujourd'hui cette touchante déclaration. Je préfère de loin la vie familiale. Comme quoi, au moins vis-à-vis de son épouse, la musique pop aura adouci ses mœurs. À Londres, n'oublie pas que sous couvert d'unité... Ah, à l'instant même, on nous appelle de Cap Kennedy. Je pense qu'une décision doit être prise au sujet d'Apollo 13. Quelle époque tout de même, les Beatles et puis Apollo 13 en même temps. En tout cas pour les Beatles, c'en est fini. Ils ne retravailleront plus jamais ensemble au complet. Ils ne remonteront plus jamais sur scène, côte à côte. Paul McCartney comprend qu'il est dans une impasse sur le plan judiciaire. Il doit pouvoir séparer ses droits de ceux des Beatles. Rapidement, lui et ses conseillers se rendent compte que la seule voie possible est celle des tribunaux. Le 31 décembre 1970, Paul intente une action en justice devant le tribunal de grande instance de Londres afin de régler la dissolution des Beatles. C'est donc là, dans l'ambiance glaciale d'une salle d'audience, loin des studios et de la musique, que se termine l'aventure Beatles. John, George et Ringo ne se rendent pas au procès. Seul Paul témoignera devant le juge. Au verdict, c'est lui qui sort vainqueur de la bataille judiciaire. Les Beatles, eh bien, c'est fini, là. Nous atteignons non seulement le domaine de la musique, mais celui de l'économie. C'est fini et bien fini. Le jugement qui a été rendu aujourd'hui à Londres consacre la première étape de la dissolution officielle du célèbre groupe de pop music. Paul McCartney a en effet obtenu gain de cause dans le procès qu'il opposait à ses trois anciens compagnons. Londres, François Châtel de l'AFP. La haute cour a nommé un administrateur judiciaire chargé de liquider les affaires détenues en association par les ex-quatre garçons dans le vent qui se sont séparés il y a maintenant près d'un an. Mais cette question, qui n'est que la première d'une longue série qu'il faudra bien régler pour partager les dépouilles de l'Empire des Beatles, n'est pas encore définitivement tranchée, car John, George et Ringo ont la faculté de se pouvoir en appel contre la décision de la haute cour. À l'origine de cette décision se trouve une querelle de personnes. Les avocats de Paul McCartney ont soutenu devant la cour que leur client ne faisait pas confiance à Alan Klein, l'homme d'affaires des Beatles depuis 4 ans, pour superviser la liquidation des biens communs regroupés essentiellement au sein de la société Apple, en français la pomme. Mais pour ce faire, ils ont dû prouver que Alan Klein n'avait pas géré au mieux les intérêts des Beatles, ce qui n'a pas manqué de donner lieu à un beau déballage de linge sale en famille. C'est ainsi que se termine l'une des plus formidables épopées culturelles du XXe siècle, celle de quatre garçons partis une guitare à la main à la conquête du monde. Un groupe qui, face à un inimaginable succès, avait su faire de sa cohésion une vraie force. Les quatre côtés d'un même carré, comme disait Paul McCartney. Mais l'argent, les femmes, les désirs de chacun et les égaux ont eu raison au fil du temps de l'unité de ces quatre génies. Les héros de ce mythe étaient finalement humains, oui, tout simplement humains. Sur la pochette de leur dernier album, Let It Be, s'affichent quatre portraits de chaque Beatles, référence à l'un de leurs premiers albums. Mais les visages ont vieilli, les cheveux se sont allongés, les barbes ont poussé. Et ce qui frappe surtout, c'est que chacun regarde dans une direction différente, vers son propre destin qui lui reste à bâtir. Longtemps, le fantasme de la reformation du groupe se propagera. Une rumeur à laquelle George Harrison répondit un jour par un trait d'humour qui vaut mille explications. « Tant que Lennon sera mort, les Beatles ne se reformeront pas. Let it be. » Autrement dit en français, ainsi soit-il. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. But though they may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer, let it be. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Notre invité aujourd'hui, c'est Paul Dunoyer. Bonjour Paul Dunoyer. Bonjour. Alors, journaliste, critique de rock anglais, vous avez fondé et dirigé la revue Mojo, vous êtes un spécialiste des Beatles, et vous venez de publier le livre intitulé « Paul McCartney, des mots qui vont très bien ensemble ». Bien, Paul Dunoyer, quel souvenir gardez-vous de l'annonce de la séparation des Beatles ? Je n'étais pas surpris, mais malgré tout, j'étais choqué. En d'autres mots, on savait tous que ça allait se faire. Mais l'impact était extraordinaire. Et pourquoi on savait tous que ça allait se faire ? Quels étaient les indices ? Nous avons grandi avec les Beatles. On savait comment lire et interpréter les photos des Beatles. Et quand il y a des photos où ils ne sourient plus, où ils ne se touchent plus, où ils ne se regardent plus, on sent que la fin approche. Alors, on a dit, mais on va essayer d'évacuer cette hypothèse assez vite, que les femmes étaient responsables de la séparation des Beatles. Alors, c'est vrai que lorsque John a rencontré Yoko en 1966, on l'a senti peut-être un peu moins investi avec les Beatles. Mais peut-on dire sérieusement que les femmes sont à l'origine de la séparation des Beatles ? Non, je ne suis pas d'accord avec le fait que les femmes soient responsables de cette séparation. Linda, la femme de Paul, et Yoko, la femme de John, étaient plus des symptômes que la cause des problèmes. Alors, quel était, selon vous, le principal problème ? Je pense que le principal problème était que chacun devenait adulte et avait envie de découvrir sa propre personnalité. C'est ce que Paul m'a dit dans ce livre, c'est qu'ils étaient un monstre à quatre têtes. Et il dit, dans votre livre, Paul McCartney dit, ça a été cette période qui a précédé la séparation des Beatles, les quatre dernières années, surtout la dernière année 69, le moment le plus difficile de sa vie. Oui, c'est sans doute la période la plus compliquée sur le plan émotionnel entre Paul et John. John était déjà très enfermé dans sa vie de famille, et petit à petit, ils évoluaient de façon différente, que ce soit à propos de la créativité du travail ainsi que les problèmes d'argent. C'était une source de discorde. Paul McCartney s'est retrouvé seul contre les trois autres. Pourquoi s'est-il retrouvé seul ? En 1967, the Beatles manager Brian Epstein died. En 1967, leur manager Brian Epstein est mort. Pendant un certain temps, ils ont essayé de se débrouiller sans manager. Mais en fait, ils n'en étaient pas capables. Alors il y a eu un désaccord profond entre Paul et John à propos de celui qui devrait être le prochain manager. John Lennon avait une préférence pour un avocat new-yorkais, Alan Klein, qui lui était recommandé par Mick Jagger des Rolling Stones. Par ailleurs, Paul préférait la famille de Linda, son père et son frère, qui avaient également un cabinet d'avocats à New York. Ils étaient prêts à manager les affaires personnelles de Paul, mais également celles des Beatles. John avait le sentiment que Paul avait tendance à imposer sa volonté sur le reste du groupe. Je crois également que George et Ringo avaient aussi cette impression que depuis 1967, Paul essayait de prendre le dessus sur les Beatles. On le voit très bien d'ailleurs dans le film Let It Be, où à un moment, Paul McCartney est avec George Harrison, et il y a une vraie tension, parce que Paul McCartney dit à George, il faut jouer comme ça, et George lui dit, tu veux que je joue comme ça? Bah oui, je jouerai comme ça. Elle est forte cette image dans le film Let It Be. Oui, c'est une scène très triste et douloureuse pour ceux qui aiment les Beatles, de voir comment les choses se passaient. Cela dit, à cette époque, on pensait que Let It Be serait leur dernier album. Mais ce n'était pas le cas. Ils n'avaient pas encore fait Abbey Road, donc ça n'était pas la fin de l'aventure. Alors justement, Abbey Road était intéressant parce que pour la dernière fois, ils se retrouvent, semble-t-il, avec le bonheur de se retrouver en tant que musicien, comme pendant leur jeunesse, ils se disent, voilà, on va faire un dernier album, mais un vrai album de copains. Et c'est vrai qu'il en ressort une magie incroyable. Oui, Abbey Road est une preuve magnifique qu'il y a encore une magie Beatles. Moi, j'aime notamment une ballade que Paul et John ont enregistrée ensemble sur une idée de John et Yoko. Et ça montre que malgré le fait que le sujet vienne de John et Yoko, Paul était toujours très enthousiaste et a joué merveilleusement et a contribué à la magie de ce disque. Alors dans le même disque Abbey Road, il y a une autre chanson que vous aimez beaucoup, Paul Dunoyer, elle s'appelle You Never Gave Me Your Money. On va l'écouter ensemble et c'est une chanson, justement le titre est clair, hein, c'est une chanson qui renvoie directement à tous ces problèmes d'argent pendant la séparation des Beatles. Yes, Paul McCartney is not usually an autobiographical writer, unlike John Lennon. Oui, mais Paul McCartney n'est habituellement pas un auteur autobiographique comme John Lennon. Mais dans cette chanson, You Never Give Me Your Money, Paul met à nu trois grands sujets. Il fait référence à ses problèmes d'argent avec leur société Apple. Il mentionne un sentiment de perte du sens de la vie. Et enfin, il célèbre sa nouvelle vie avec Linda, sa future épouse. I never Message caché dans cette chanson, tout est dit. D'ailleurs, Paul McCartney dit « In the middle of investigation, a breakdown ». Tout est dit. Hein. Oui, en fait, à cette période de sa vie, il était proche de la dépression nerveuse, chose qu'il n'avait jamais connue dans sa vie. Est-ce que la politique, les idées politiques ont pu un peu séparer John Lennon, dont l'engagement à gauche était très fort, et Paul McCartney, qui avait toujours de la réticence à parler de politique. En tout cas, on avait l'impression qu'il ne voulait pas en parler. Est-ce que ça a pu séparer les deux hommes ? Oui, il y avait une vraie différence entre les deux hommes. Et plus affirmée encore vers la fin des années 60, avec la montée de la contre-culture. John était prêt à épouser toute la contre-culture. Paul était plus axé sur la famille, les amis. Il allait plus vers les relations humaines en général, plutôt que vers des idées politiques spécifiques. Avec les Beatles, il faut savoir lire aussi entre les lignes dans leur biographie. On vient de dire John Lennon plus investi dans la politique, sauf que dans les années 65 et 66, et Paul Dunoyer nous dira s'il est d'accord, c'est Paul McCartney qui apporte toute la modernité dans les Beatles parce qu'il vit à Londres, au centre de Londres, alors que les trois autres vivent bourgeoisement à l'extérieur de Londres. C'est vrai ça ? Oui, c'est vrai. Paul a été longtemps le seul Beatle célibataire qui vivait dans le centre de Londres et qui côtoyait beaucoup de gens de l'avant-garde. Et si des réalisateurs étrangers venaient à Londres, ils allaient voir Paul McCartney. Et vous en avez parlé avec lui, vous connaissez bien Paul McCartney, vraiment, vous êtes, je crois, le journaliste qui connaît le mieux Paul McCartney. Comment vous le sentez aujourd'hui par rapport à cette histoire-là? Parce que moi, je trouve que l'histoire ne lui a pas assez rendu justice, justement. Ça va mieux maintenant, d'ailleurs. Est-ce qu'il a de l'amertume? Je ne dirais pas qu'il soit amer aujourd'hui. Les perceptions extérieures étaient biaisées. Il essaye juste de réajuster le tir et d'équilibrer au mieux la réputation de chacun. la sienne et celle de John particulièrement, mais il doit faire attention. Il est très conscient du fait que John Lennon a été assassiné. Il ne veut pas avoir l'air de refaire l'histoire et de bousculer la mémoire de John Lennon. Alors, on va écouter, puisqu'on parle de John, on parlait de politique à l'instant, une archive de John Lennon, interviewé sur Antenne 2, la télé française. Alors, il revient sur la Beatlemania et sur la fin des Beatles. Comment vous situez-vous politiquement? Do we have a position? C'est la même que vous. Of Beatles? Il semble que vous soyez plus engagé que du temps des Beatles. Oui, Beatles, c'était quelque chose d'énorme. Il fallait être un Beatle et rien d'autre. Beatles prenait toute votre vie, c'était ça le problème. Je veux dire, ça s'enflait jusqu'à devenir un monstre, Beatle. Au début, c'était pas ça, c'était le bon temps. On jouait dans les boîtes, les salles de bal, on parlait avec les gens, c'était vraiment chouette. Et c'est devenu ce grand truc. C'est comme un type qui gagne des millions en Rockefeller ou Getty. Il devient tellement obsédé par l'argent, comment garder les millions, comment en gagner plus, qu'il oublie tout le reste. Et les Beatles, c'était devenu ça. Et les Beatles, c'est seulement une période de ma vie. J'ai encore une longue route à faire. J'ai vécu 20 ans de ma vie avant les Beatles. So the Beatles was a period of my life, you know. I've got a long time to go. And I lived 20 years before the Beatles. Et pendant 10 de ces années, je ne connaissais rien à la politique et au monde. Et si j'avais pas de conscience politique, pourtant à ce moment-là, Marx et tout ça, par exemple, j'avais conscience de ma propre position dans la classe ouvrière à Liverpool, en train d'essayer d'entrer à l'université, et toutes ces conneries qui vont avec. In a working class society, trying to make it in a university or a college and all the shit that goes with that. Alors les Beatles, c'est pas si important. The Beatles aren't that important. The Beatles sont morts. The Beatles sont morts. Yeah, but if you did the autopsy of the Beatles, what would find, what you think you would Qu'est-ce qui a tué les Beatles? Capitalism. Intéressant. Qu'est-ce qui a tué les Beatles? Réponse John Lennon, capitalism. Le capitalisme. Qu'est-ce que vous en pensez, Paul Dinoyer? I think John was really repeating a word that he'd become very excited by in the last Je pense que John traduisait un concept extrêmement important pour l'année 1968. Immensely influential on everybody. C'était une année charnière entre les événements de Paris et aux États-Unis, où tout à coup, en 68, la politique devenait présente pour tous. Je crois qu'à ce moment-là de sa vie, John s'éloignait des Beatles et il voyait tous les sujets à travers le prisme politique, les relations entre les hommes et les femmes, entre les races, la guerre, la paix, tout devenait politique. Y a-t-il une vie après les Beatles? Autrement dit, quel est votre regard, Paul Dinoyer, sur la carrière solo de Paul McCartney, John Lennon, George Harrison et, dans une moindre mesure, de Ringo Starr? Ok, each of the four produced some... Excellent work. Bien, chacun des quatre a fait de l'excellent travail, mais aussi des choses plus médiocres. Il est absolument certain qu'aucun d'entre eux n'a eu autant de succès qu'à l'époque des Beatles. L'influence des autres manquait à chacun. Il est difficile de comparer la carrière des deux hommes, celle de John qui a été tragiquement abrégée 10 ans après la séparation des Beatles, alors que Paul a eu tout le temps pour s'affirmer, pour se trouver ou retrouver une créativité depuis la fin des Beatles. Il a eu vraiment beaucoup plus de temps. En fait, Paul n'a été que 10 ans dans le groupe et 45 ans en solo. Et je pense que ça a été difficile pour lui de prendre le temps de retrouver l'esprit des Beatles. Paul a eu besoin de beaucoup plus de temps pour se détacher de cette période de 10 ans. En 1970, ils voulaient tous faire un break, mais Paul est maintenant réconcilié avec cet héritage. Dernière question pour Paul Dinoyer. Que représente aujourd'hui pour les Anglais, dans votre pays, les Beatles, ça représente quoi? The Beatles represent... Les Beatles représentent... la plus grande période de l'histoire moderne anglaise, un moment où le monde entier a adoré l'Angleterre. Merci, Paul Dunoyer. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre passionnant, si on aime les Beatles, et surtout si on aime les Beatles en général, et Paul McCartney en particulier, ce livre intitulé Paul McCartney, des mots qui vont très bien ensemble, aux éditions Baker Street. Et merci à Paul Dunoyer. Au revoir, monsieur. Merci. Et merci à Eric Oswald, à la fois pour la traduction et le ton juste. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la séparation des Beatles, donc une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons le scandale des footballeurs de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. C'était en 2010. À suivre sur France Inter, bien sûr. Elsa Boublil, qui est à côté de moi, vous avez dit classique, je vous dis bonjour. Et moi, je vous dis bonjour aussi. Comment ça va, Fabrice? Très, très bien. Écoutez, on parlait des Beatles, ça fait du bien. Hein, ah, bah cette oui. poésie-là, voilà, c'est agréable. On va pas parler de Beatles, nous, mais on va continuer en musique, puisque toujours vous aimez. Toujours de la poésie, bah oui. Vous aimez ça, vous. Alors, on va être avec un compositeur, arrangeur, pas forcément très connu du grand public, mais un homme parfaitement intéressant. Il s'appelle Clément Ducol. Il arrange notamment les musiques de Camille, la chanteuse, et puis il a fait la bande original du film Maestro de Léa Fazer. Enfin, c'est un homme souterrain qui gagne à être connu de manière plutôt éclatante à l'extérieur. Donc je l'ai invité aujourd'hui. Ils sont dans très vous avez importants, ces gens. Ils sont très importants. C'était comme George Martin, absolument, le magicien auto-Beatles. Oh là là, on va être en retard. Ah on y va, on y va, on y va.